Dr Chamala Ogiri motema moto Aki pena akufa Zola Tempo T'es une référence Moi je sarnio kalongo j'ai dit Ota la rétroviseur de Noki osa la marche arrière Passe en anayo To wakana ebale Pangusa de papris To kende avant avant Ali ta chamala King Makiadi na Montréal Sima o kibukidi Ota la rétroviseur de Noki osa la marche arrière Passe en anayo To wakana ebale Pangusa de papris To kende avant avant Ali ta chamala Oboti Na lula yo, na linga yo, na zela yo E uzuri ngai Sina nini na petaje a kipergan Na ipembula e kusani Na lula yo, na linga yo, na zela yo E uzuri ngai Sina nini na petaje a kipergan Na ipembula e kusani Ali ta chamala Voyo na mobembo tina kaba sango Na ebata masoma koleka Na iko motema pe itunda na zua Anita chamala Ata voyo na mobembo tina kaba sango Na ebata masoma koleka Na iko motema pe itunda na zua Anita chamala Maria Capone D'Aquin Célo, océan de sagesse. Come on! Sabanda. Amuka